j'allume ma télé, scotché pour trois quarts d'heure sur les actualités. J'attends les dernières nouvelles impatiemment. Le pape était-il bien mort à son enterrement? Je me shoote au reportage de proximité, au micro-trottoir sur la canicule en été. Entre deux catastrophes à l'autre bout de la planète, un sujet exclusif sur les coulisses de la jet set. Est-ce bien vrai que la princesse d'un paradis fiscal a été vue en compagnie du prince de Galles? Et Clytemnestre de la Star Academy a pleuré quand Agamemnon lui a dit c'est fini. Et toi tu t'en fous de toutes nos chaînes, les foules au garde à vous tu les remarques à peine. Tu te moques bien de nos habitudes, tu dis ça n'est rien et tu prends de l'altitude. Tu vis passer à courir derrière le fric pour le claquer dans les allées du prix unique. Aucun travail n'est vraiment dégradant, on s'en fout de l'odeur du moment qu'a l'argent. Regarde ce que j'ai trouvé dans le bac des offres spéciales, une reproduction authentique d'une photo d'Orignal. Ça ira super bien au-dessus de la cheminée, il me la faut tout de suite, je dégaine ma CB. Et si pour cela on doit exploiter la misère d'un pays lointain, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Le seul moment où on se sent vraiment bien, avec notre dose de nouveaux produits quotidiens. Et toi tu t'en fous de toutes nos chaînes, les foules au garde à vous tu les remarques à peine. Tu te moques bien de nos habitudes, tu dis ça n'est rien et tu prends de l'altitude. Et tu penseras que je caricature, que tu n'es pas comme ça, tu auras raison bien sûr. Tu glisses entre mes doigts tel un courant d'air, car tu n'existes pas hors de mon imaginaire. Faire plaisir à la famille, du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Le camion de pompiers pour lui à Noël. La cuisine en plastique, ce sera plutôt pour elle. Et si on enlevait toutes nos chaînes, que resterait-il de nous qui vaille la peine? Un silence profond, un océan d'ennui, ou la lumière insoupçonnée d'une nuit.